Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour fêter le calendrier des esclavages et des libérations. Des esclavages et des libérations. Le 16 septembre, le 7 septembre 1810, au Mexique, dans le village de Dolores, le curé Hidalgo sonne les cloches, rassemble les fidèles, lance le cri de Dolores qui retentira à travers les Amériques. Il proclame l'indépendance. La rébellion contre le colonialisme espagnol commence. Elle arbore un drapeau de toile blanche à l'effigie de la Vierge de la Guadalupe. Mais elle sera réprimée et le curé révolutionnaire exécuté en 1811. Ah, c'est dommage parce que des curés révolutionnaires, il n'y en a quand même pas eu tellement dans l'histoire. Alors, il aurait mérité qu'on le laisse vivre celui-là, non ? Quand même. 1857, réunion. Numéro 192 du Journal du Commerce donne l'annonce de vente suivante, cession de travailleurs. Mercredi 16 septembre à midi, au jardin Morinière, MMR Loraté, J. Bedier et compagnie céderont les engagements de 148 travailleurs de choix arrivant par le Milan. Donc il s'agissait de vente d'esclaves. Hein ? Tout le monde avait compris, bien sûr. Pour ceux qui ne seraient pas satisfaits, voici une autre annonce du même journal. Même numéro. A cédé les engagements de 23 Indiens venus sur les navires Picard et Madras, arrivant de Pondichéry. Cette bande se compose en majeure partie de jeunes et jolis domestiques. Il s'y trouve aussi une jeune fille indienne et des cultivateurs. S'adresser pour les voir à M. Floris, à la source, et pour traiter à messieurs et Jacquère et compagnie. Voilà. Donc, en 1857, on vendait des êtres humains. Ça a cessé depuis. Hein ? Ah oui, oui. Hein ? Oui, oui, c'est sûr. La traite des esclaves, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'esclavage. 1904, Italie. Les ouvriers protestent par la grève générale contre la répression du soulèvement de Castelluzzo. Les occupations d'usines et la création de comités d'entreprise se multiplient à travers le pays. Mais la répression triomphera. Et c'est facile, quand on a la force, la ruse et la détermination et le fric, c'est pas difficile de casser des pauvres gens qui essayent d'obtenir leur dû. 1911, Espagne. Début d'une grève générale. À cette occasion, la commune sera proclamée dans deux villes près de Valence. 1916, Allemagne. Première édition du journal communiste clandestin Spartacus. Spartacus en hommage à l'esclave gladiateur Spartacus, qui s'est rébellé en 70 avant Jésus-Christ, si je me souviens. Hein. 1955, France, à Nantes, formation d'un comité d'action de la métallurgie. Il exige un règlement global du conflit en cours et non pas une discussion par entreprise. Il demande l'annulation des licenciements prévus. 1972, Espagne, à Vigo, 66 ouvriers sont arrêtés. Les transports publics et 17 entreprises sont en grève. 1976, USA, chez Ford, 170 000 ouvriers sont en grève. Jamais on n'avait vu cela. 1981, Pologne, le bureau politique du parti dénonce le programme d'opposition systématique adopté par Solidarité. Il rappelle qu'il est décidé à défendre le socialisme comme on défend l'indépendance de la Pologne. 1981, Salvador. Selon l'archevêché, 10 228 personnes ont été assassinées pour des raisons politiques entre janvier et août 1981. Le 17 septembre 1819, Colombie, Venezuela. Le congrès d'Angostura au Venezuela proclame l'union du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire la Colombie. 1870, France, à Paris, place de la Concorde, manifestation de femmes devant la statue de Strasbourg. Cette ville étant sur le point de tomber aux mains des Prussiens, Louise Michel est déléguée pour réclamer des assurances au gouvernement. 1871, Grande-Bretagne, conférence de la Première Internationale à Londres. Les thèses de Marx sur la nécessité de l'action politique de la classe ouvrière triomphent. 1894, France, congrès de la Fédération des syndicats à Nantes. 1896, France encore, deuxième congrès de la CGT à Tours. Le principe de la grève générale est voté sur un rapport proposé par les cheminots. 1899, France, à Carmaux, Tarn, après de longues années de silence et d'oppression, première manifestation de rue en présence de Jean Jaurès. 1939, Pologne, l'armée rouge envahit la Pologne en application du pacte germano-soviétique. 1973, Chili, le décret loi numéro 12 dissout la centrale unique des travailleurs. 1975, Papouasie-Nouvelle-Guinée, indépendance. 1979, Philippines, plus de 2000 étudiants défient la loi martiale et manifestent à l'université de Manille. 1980, Corée du Sud, Kim Dae-jung, chef de l'opposition, est condamné à mort par la cour martiale. Les étudiants et professeurs arrêtés avec lui sont condamnés à des peines allant de 2 à 20 ans de prison. L'accusé a toujours nié d'avoir comploté pour renverser le gouvernement. Réaction très vive à travers le monde concernant l'issue de ce procès. 1980, France. Après 8 semaines de conflit avec les armateurs, les marins de la pêche industrielle de Boulogne-sur-Mer et de Fécamp décident de reprendre le travail. Ils ont obtenu la suppression des licenciements prévus et la promesse que la nouvelle convention collective ne sera signée qu'avec l'accord des équipages. 1980, Italie, grève réunie dans tous les groupes Fiat de la région de Turin. 1980, Pologne, formation d'une commission de coordination par les représentants des nouveaux syndicats indépendants réunis à Gdańsk. Lech Wałęsa en est le président. Le 18 septembre, au Chili, en 1810, proclamation de l'indépendance. 1835, Espagne, à Barcelone, constitution d'une commission mixte d'inspection d'usines et de contrôle du travail. 1870, France, les Prussiens mettent le siège devant Paris. Un hiver de froid et de faim s'annonce pour la capitale. À Marseille, la Ligue du Midi est constituée. Son représentant sera Esquiros, dont Gambetta se désolidarise. 1909, Grande-Bretagne. Deux suffragettes, c'est-à-dire militantes luttant pour le droit de vote des femmes, sont emprisonnées pour avoir jeté des pierres sur le Premier ministre Asquith. Vous imaginez des femmes qui jettent des pierres sur le Premier ministre en France en 2018 ? Oh ben non, sûrement pas. 1914, Italie. Début d'une grève importante des travailleurs agricoles dans la région de Versailles. Des troupes sont envoyées contre les grévistes. 1919, Espagne. À Barcelone, la fédération patronale adresse au président du Conseil une protestation concernant l'impuissance de la police de la ville. 1931, Japon. Début de l'action militaire contre la Mandchourie. Elle débouchera sur la Deuxième Guerre mondiale.

la dégradation impitoyable de nos conditions de travail, la précarisation de l'emploi avec le recours quasi exclusif aujourd'hui aux contractuels. Venez nombreux soutenir cette journée d'action. Alors, déroulement de la journée, à 9h, conférence de presse, salle Serpollier à Chantraine. À 10h, conférence débat, salle Serpollier toujours, ouvert à tous, syndiqués ou non syndiqués. Une vision humaniste de la santé et de l'action sociale. Donc le thème sera une vision humaniste de la santé et de l'action sociale. Avec la présence de Mireille Stivala, secrétaire générale de la Fédération CGT Santé et Action Sociale. Le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste SAMU 93, membre de la commission exécutive CGT Santé et Action Sociale. Xavier Guillot, secrétaire fédéral de l'UFAS, c'est-à-dire Union Fédérale des Actions Sociales. Docteur Frédéric Boulanger, psychiatre au centre hospitalier de Ravenel, membre de l'UFMICT-CGT. 12h30, pause déjeuner, salle Serpollier à Chantraine. 14h, rassemblement, place des Vosges à Épinal, manifestation, tout semblant. Départ jusqu'à la délégation territoriale de l'ARS au Sault-le-Cerf, où une délégation CGT sera reçue à 16h. Passage devant le conseil départemental d'Épinal, la préfecture et la mairie pour exprimer notre colère et notre ras-le-bol. Des emplois et des moyens pour travailler dignement. Donc l'adresse, plan d'accès, c'est maison Charles Grandemange. Hein, donc l'adresse, c'est maison Charles Grandemange, 43 rue Jules Ferry, 88 000 Chantraine. Contact syndicat CGT, centre hospitalier Ravenel, téléphone 03 29 37 84 40 ou encore mail cgt.ravenel, R-A-V-E-N-E-L, @wanadoo.fr. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez m'appeler quand je passe de la musique, parce que quand je suis en train de lire un document, par exemple, je ne peux pas en même temps répondre au téléphone, puisque je fais l'émission et la technique en même temps. Alors voilà, si vous serez bien gentil d'appeler pendant une phase musicale. Voilà, donc à plus tard peut-être. Frédéric Dumas, député des Hauts-de-Seine, pourquoi je quitte En Marche ? La productrice Frédéric Dumas avait participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Mais la députée ne se reconnaît plus dans le groupe LREM. Manque de sens, manque d'écoute, technocratie. On a le sentiment d'être sur le Titanic, nous dit-elle. Alors il y en a deux pages, je vous fais grâce des deux pages. Mais ça serait intéressant, hein. C'est pas parce que c'est pas intéressant que je vous le lis pas, c'est parce que bon, le temps me manque, je n'ai que 2 heures, hein, puis j'ai déjà utilisé presque une demi-heure. Alors voyez-vous, hein, quand on est trop bavard, ben on aborde moins de sujets. Alors, militante communiste de la première heure, c'est un autre sujet. Résistante, syndicaliste, Jeannette van der Schouten fête ce week-end son 100e anniversaire à la fête de l'humanité. Elle fêtait. À elle seule, elle représente un livre ouvert sur l'histoire du XXe siècle et du Parti communiste français. Jeannette van der Schouten fêtera ce dimanche ses 100 ans en compagnie de sa famille et de ses proches. Un anniversaire célébré ce samedi avec ses camarades à la fête de l'humanité. Un rendez-vous qu'elle fréquente en habituée, puisque cette habitante de Douai-la-Barre, dans le Val d'Oise, a pris sa carte au parti en 1936. Depuis, elle n'a jamais cessé de militer. Je fais partie des milliers de petites fourmis qu'on pense avoir tuées à l'automne avec des pesticides et qui renaissent au printemps. Sourit celle dont la vie est intimement liée à la classe ouvrière. Pupille de la nation, après le décès de son père des suites de la guerre, ce sont des ouvriers qui travaillaient à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Lyon qui ont déclaré sa naissance. Membre des jeunesses, alors là je vais me limiter au titre, membre des jeunesses ouvrières chrétiennes à 14 ans. Quand même, son engagement prend une autre dimension après la lecture du manifeste du Parti communiste que lui glisse un jeune homme rencontré dans un bal. Il avait annoté les choses essentielles, notamment qu'on peut changer le monde. On peut changer le monde, se souvient-elle. Je l'ai beaucoup lu et j'ai intégré les jeunesses communistes par conviction. J'avais trouvé un idéal. Rien ne me faisait reculer. En mars 1935, lors d'un congrès organisé à Marseille, la jeune femme fait la connaissance de Daniel Casanova, qui va la marquer à vie. Daniel était dentiste. et je me disais « Pourquoi elle s'intéresse à nous » explique-t-elle. Elle m'avait dit « Si on veut avoir des filles, il faut qu'elles s'organisent entre elles. » On s'est réunis à une dizaine et on a commencé à former l'Union des jeunes filles de France. En décembre, on était 1000. En décembre, on était 1000. Réunis à une dizaine au début de l'année, 1000 en décembre. Elle habite Montreuil, Seine-Saint-Denis, avec son mari René, rencontré aux jeunesses communistes. Lorsque la guerre éclate, René est mobilisé, son épouse entre dans la résistance. On tapait, imprimait et distribuait des tracts, raconte-t-elle. J'ai perdu beaucoup de camarades à cette époque. Elle doit prendre des précautions et c'est comme ça que la deuxième de ses trois enfants, Nicole, naît en octobre 1942 dans un hôtel de passe au 18e arrondissement. Je ne pouvais pas aller à l'hôpital car c'était très, très dangereux, se souvient-elle. Des camarades m'avaient emmené, il y avait des médecins au service de la résistance. À la fin de la guerre, Jeannette intègre le comité départemental de la libération de Seine-et-Oise. Elle s'occupe de la partie sociale à l'Union des femmes françaises, l'UFF. Elle participe notamment à une étude pour la mise en place du système de sécurité sociale. Mise en place du système de sécurité sociale, ça n'a pas toujours existé. Il a fallu le créer, il a fallu des luttes, beaucoup de courage pour arriver. Et organise des vacances pour des jeunes démunis. C'est un courant de solidarité, souffle-t-elle, un élan d'amitié et de rencontre. Le but, c'est qu'un jour, tout le monde puisse vivre convenablement. Membre de la CGT depuis 1936, elle devient secrétaire de rédaction à la Vie ouvrière, journal du syndicat, où elle travaille aux côtés du secrétaire général Henri Krasucki. Révoltée, elle multiplie les combats, aide les familles de cheminots en grève, accueille un enfant de mineur chez elle et mène plusieurs campagnes électorales, municipales, cantonales ou législatives. Elle devient même maire adjointe de Mers-les-Bains dans la Somme, tout en continuant à vivre à deuil. « Je voulais convaincre les gens qu'il fallait qu'ils s'unissent pour avoir une vie de fraternité, martèle-t-elle. Le but, c'est qu'un jour, tout le monde puisse vivre convenablement. » Aujourd'hui, cette arrière-grand-mère, comblée, continue de participer aux réunions du PCF et fait des interventions dans des établissements scolaires, où elle délivre sans cesse un message d'espoir. « Être communiste, pour moi, c'est le bonheur, la fraternité et la liberté. » résume-t-elle. « Un jour, le monde changera et j'aurai apporté ma pierre à l'édifice d'une vie meilleure pour tous. » Militante et responsable des jeunesses communistes, Danielle Calzanova a été résistante pendant la guerre. Arrêtée et déportée à Auschwitz, elle est décédée en 1943. Les 12 salopards qui ont voté contre l'interdiction du glyphosate, fameux poison, cette nuit. Il y a déjà plusieurs nuits. Bérangère Abba et l'REM, Gabriel Attal, pareil, Laetitia Aval, pareil, Florian Bachelier, Didier Bécher, Sophie Baudouin, Bruno Bonnel, Jean-Jacques Bridé, Stéphane Buchou, tant que je ne précise pas, c'est des LREM, Stéphane Buchou, Fabienne Colboc, Frédéric de Crozaille, Christelle Dubeau, Coralie Dubost, Jean-Luc Fugit, Stanislas Guérini, Daniel Hérin, Guillaume Casbarian, Célia de Lavergne, Nicole Lepay, Marie Lebec, Jean-Claude Leclabard, Martine Laguille-Balois, Roland Lescure, Monique Limon, Laurence Maillard-Meignery, Graziella Melchior, Amélie de Montchalin, Jean-Baptiste Moreau, Sandra Motin, Zivka Park, Patrice Perrault, Anne-Laurence Pétel, Béatrice Piron, Marie-Christine Verdier-Jouclas, tous ces gens-là sont de LREM. Alors maintenant, Jean-Yves Bonny, LR, Gilles Lurton, LR, Jérôme Nury, LR, Alain Ramadier, LR, Bruno Millienne, Modem, et Thierry Benoît, UDI. Alors, il faut qu'on se souvienne d'eux. Lorsque l'on aura quelqu'un qui sera gravement malade dans notre famille, ou moins gravement à cause du glyphosate, on saura le nom des empoisonneurs. Hein, des empoisonneurs. Alors, ils ont mis salopards, on pourrait mettre à la place de salopards, on pourrait mettre criminel. Je pense qu'un tribunal de cour d'assises ou un tribunal d'instance apprécierait la gravité de l'action de ces gens-là. Hein. Alors, la France doit signer le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le TIAN, qu'est-ce que c'est ? Le Tian, c'est le 7 juillet 2017, le traité d'interdiction des armes nucléaires a été adopté à l'ONU. Approuvé par 122 États, le Tian rentrera en vigueur lorsque 50 pays l'auront ratifié. Historique, ce texte interdira aux pays signataires de fabriquer, stocker ou utiliser des armes nucléaires en même temps qu'il s'assurera de leur destruction effective. La menace d'employer ces armes deviendra, elle aussi, interdite. Les 9 pays dotés de la force de dissuasion nucléaire refusent de jouer le jeu. Parmi les mauvais élèves du désarmement, la France s'est illustrée par ses condamnations officielles et ses pressions diplomatiques contre ce traité d'interdiction. En refusant de prendre part aux négociations, le président Emmanuel Macron réaffirme que la dissuasion reste la clé de voûte de la défense nationale. Un prix Nobel pour l'ONG ICAN. Aucune nation ne peut se vanter aujourd'hui de détenir des armes chimiques. Aucune nation ne fait valoir qu'il est acceptable, dans des circonstances extrêmes, d'utiliser un agent neurotoxique comme le gaz sarin. Aucune nation ne proclame le droit de déclencher chez son ennemi une épidémie de peste ou de polio. C'est parce que des normes internationales ont été fixées que nos perceptions des choses ont changé. Et voilà qu'enfin, nous avons une norme sans équivoque contre les armes nucléaires. Les grandes avancées ne commencent jamais avec accord universel. Avec chaque nouveau signataire et chaque année qui passe, cette nouvelle réalité finira par s'imposer. C'est la voie à suivre. Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher l'utilisation des armes nucléaires, les interdire et les éliminer. Extrait du discours de Béatrice Finn, présidente de l'association ICAN, I-C-A-N, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, lauréate du prix Nobel de la paix en 2017. Lauréate du prix Nobel de la paix en 2017. Je vous propose une toute petite revue de presse parce que bon, j'en ai un centimètre et demi d'épaisseur, mais voilà, le temps passe et j'ai une heure et demie d'enregistrement après à vous proposer. Alors voilà, malaise mortel, fait divers à Épinal, dans la page Épinal, samedi 8 septembre 2018, malaise mortel sur la RN 58. Un chauffeur routier italien de 42 ans est décédé suite à un malaise au volant, ce qui a causé un accident et engendré des perturbations sur la RN 57. L'homme est décédé quelques minutes plus tard à la suite de ce malaise. Alors je trouve qu'il y a beaucoup d'accidents du travail. Hein, ce sont des accidents du travail, les accidents des routiers. Et on peut peut-être chaque fois se poser des questions sur la santé du chauffeur. Alors c'est très dangereux, les accidents de routiers, parce que bah, le camion ne s'arrête pas comme ça, il ne se freine pas comme ça. Et puis quand il s'en va quelque part, eh bien, il peut occasionner beaucoup de dégâts et causer des dégâts aux voitures, aux véhicules qui sont sur la route en même temps. Il faudrait qu'on se penche quand même sur la question de savoir est-ce que les règles du travail, les lois du travail concernant les routiers sont bien appliquées partout. Moi, je ne suis pas sûr du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accidents quand même, et des accidents en général très graves. Les apidés en quête d'équilibre, l'essor de l'apiculture met-il en péril les abeilles sauvages? Et voilà, ce n'est pas le glyphosate ni les néonicotinoïdes qui causent la perte des abeilles domestiques. Non, c'est les abeilles domestiques qui prennent la nourriture des abeilles sauvages. Voilà, qui se mettent à défendre des abeilles sauvages. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Eh bien, c'est bien ça, hein, enfin, c'est bien, peut-être. Slalom sénatorial de bonnes âmes, plutôt favorable au président Macron, entonne en ce moment un petit refrain contre la commission des lois au Sénat. Son président, le sénateur des Républicains Philippe Bas, est accusé de faire non pas du droit, mais de la politique dans sa manière de diriger les travaux de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Eh bien, oui. Bon, eh bien, les autres, on verra ça un petit peu plus tard, hein. Eh oui. Les événements climatiques extrêmes de cet été et le départ de votre ministre de l'écologie ont envoyé un signal au pays tout entier. Nicolas Hulot a démissionné sur un constat clair. Le libéralisme n'est pas compatible avec l'écologie. Il confiait à Libération, je le cite, « Ça me fait chier, Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'ont toujours pas compris l'essentiel. Le problème, c'est le modèle. Ça me fait penser à cette phrase de Bossuet. Nous nous affligeons des effets, mais continuez à adorer les causes. Parmi les causes du changement climatique que vous continuez à adorer, Monsieur le Premier ministre, il y a le libre-échange. Vous avez célébré le CETA, accord entre l'Union européenne et le Canada, alors qu'il nous a été imposé sans débat. Pourtant, il va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, détruire notre agriculture, nos emplois et mettre en péril notre santé alimentaire. À vous le loisir d'expliquer à nos concitoyens pourquoi ils ont du saumon transgénique canadien dans leur assiette. Vous persévérez dans l'erreur avec le JEFTA, accord avec le Japon signé dans le plus grand secret. Par exemple, il ne prévoit aucune clause pour protéger les baleines massacrées là-bas. Produire plus, échanger plus, continuer le grand déménagement du monde, le voilà, votre projet. Et ce projet n'est pas compatible avec la survie de l'espèce humaine, encore moins avec l'amélioration de nos conditions de vie. Notre écosystème s'écroule et vous ajoutez un étage à cet édifice social et économique qui s'effondre déjà. Votre monde est fini et nous ne vous laisserons pas nous entraîner dans votre chute. Les Françaises et les Français doivent pouvoir décider de leur destin. Quand allez-vous mettre le CETA, le JEFTA, le Mercosur et tous les accords de libre-échange enfin en débat devant nous et devant le peuple français? Quand allez-vous cesser cette mascarade antidémocratique? Quand comptez-vous prendre l'écologie au sérieux? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Panot. D'abord, je voudrais vous dire que j'apprécie l'engagement écologique qui est le vôtre et celui de nombreux membres de votre groupe et qu'au-delà de nos divergences, que je sais nombreuses et fortes, je pense que plus il y aura de députés à soutenir la transformation écologique, mieux ce sera. Et que je suis prêt à travailler avec tout le monde. Je travaillerai avec les députés, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'ils veuillent avancer dans le sens de la transformation écologique. Sur la question du libre-échange et sur la question du traité de libre-échange avec le Canada, moi je me souviens ce qu'a dit Justin Trudeau à cette tribune, et il a été largement applaudi. Il a dit « Si vous n'êtes pas capable de signer un traité de libre-échange avec un pays comme le Canada, avec qui le ferez-vous » Eh bien, je partage ce sentiment. Ce sont des pays qui ont des standards sociaux, environnementaux. Par ailleurs, et Brune Poirson y avait travaillé à la demande du président de la République, il y a un comité d'experts qui a rendu un certain nombre de préconisations que le gouvernement mettra en œuvre et qui fera l'objet d'un suivi. Et puis, pour conclure, je voudrais faire une remarque plus générale. Vous avez dit, comme d'autres membres de votre groupe, écologie ou libéralisme, il faut choisir, en quelque sorte. Et vous avez paraphrasé le titre d'un livre que j'avais publié qui, lui, s'intitulait « Écologie ou gauchisme, il faut choisir » et j'ai choisi depuis longtemps. Eh bien, je vais vous dire, moi, je n'ai pas trouvé de pays dans le monde où l'économie administrée, étatisée, aurait fait de ce pays un champion de l'écologie. Mais je veux bien en discuter. Ce que je sais, c'est que je travaillerai avec les entreprises et que nous avons besoin des entreprises pour mener la transformation écologique. Merci, Monsieur le Ministre. Au pays de la Meilleraie, en plein bocage vendéen, la colonie de vacances de la Motte voit arriver chaque année un joyeux essaim d'apprentis du réseau de l'État. Loin des bruits de la ville, les jeunes citadins ne manquent pas d'apprécier les bienfaits de la vie au grand air, au milieu des champs, des bois et des prairies. C'est un lieu où l'on ne connaît pas l'ennui. Les distractions et les jeux de toutes sortes, croquet, volley-ball, boules, promenades, baignades, alternent pour le plus grand bien des jeunes cheminots. Comme il est reposant pour eux de vivre près de la nature, comme il est utile et vivifiant pour leur jeune corps de s'ébattre harmonieusement dans la séance journalière d'éducation physique, pratiquée suivant les règles de la méthode Hébert. Par vagues ordonnées, sans effort apparent, ils descendent le plateau de gymnastique en se livrant à des exercices aussi variés que salutaires. Séance terminée, c'est au rythme entraînant du chant composé par eux que les jeunes apprentis regagnent le logis. Écoutons-les. Près des rivages de l'océan, sous les pins de Saint-Hilaire de Riez, battus par les vents du large, au milieu des dunes, il est un autre lieu qu'affectionnent les apprentis. Des tentes, des jeux d'ombre et de lumière, l'air matinal, la toilette dans la douceur du matin qui descend du haut des pins, c'est le camp marin. La vie s'y écoule sans monotonie. Les occupations y sont diverses. Les nécessités de l'existence font rejoindre l'utile à l'agréable. C'est une grande leçon de débrouillage qui met à l'épreuve ces jeunes cordons bleus. D'ailleurs, quand le milieu du jour au repas les appelle, les campeurs trouvent la table mise et les assiettes pleines. «

baptisé Xavier Bertrand. Alors j'ai pris mon courage dans une main, ma tatane dans l'autre, et j'ai pulvérisé Xavier. À Nouméa, je suis impressionnée par l'avancement technologique de ces populations indigènes. De nombreux foyers sont équipés d'une télévision. Et hier, je discutais avec un habitant qui avait déjà entendu parler de Jean-François Copé, autant vous dire qu'ils sont loin d'être coupés du monde. Et puis là-bas, ils se retroussent les manches. Ils retapent eux-mêmes les toits de leur hutte. Si tu leur files 100 millions, ils diront merci, ils vont pas chipoter comme Stéphane Bern. Hein. Elle avait raison, mon amie sœur Emmanuelle. Lors de nos longues discussions au coin du feu, elle me vantait les qualités des Kazakhs. Pardon, des Kanaks, je confonds les Kazakhs, c'est au tiercé. Ah, sœur Emmanuelle, elle était aussi une petite retraitée avec une perte de pouvoir d'achat que la politique de Macron aurait fini par piétiner. Mais je ne suis pas à 17 000 km pour parler de petite politique politicienne. D'ailleurs, je vous écris cette carte car vous n'êtes peut-être pas au courant de mon voyage, étant donné que les journalopes préfèrent aller réclamer du bullshit à Pécresse et Juppé. Pourtant, c'est pas tous les jours que je demande à des gens qui ont la pommade de rester en France. Bon, je vous laisse car je repars demain, donc il faut sortir de l'ambiguïté. Je dois faire ma valise, le retour rassemblement de mes affaires. Charline Vanhoenacker, merci. Telle Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le député de la France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Et merci beaucoup d'être sur RTL ce matin. Je voudrais revenir sur un épisode qui peut avoir, on a frappé quelques-uns. Jean-Luc Mélenchon est plutôt un leader grande gueule, qui n'a pas peur des mots ou des formules généralement d'ailleurs ciselées. Mais vendredi soir, il n'a pas osé répéter devant Emmanuel Macron ce qu'il avait dit 2 heures auparavant, à savoir qu'il est le plus grand xénophobe qu'on ait. Fin de citation. C'est ça, le chef de la France Insoumise ? Mais vous n'allez pas me faire croire, Madame Martichoux, que vous découvrez ce matin que Jean-Luc Mélenchon est un républicain convaincu et conséquent, et donc capable de la plus banale courtoisie républicaine. Quand vous êtes attablé au restaurant à minuit et demi avec quelques amis dans votre circonscription et que arrive le président de la République, bah excusez-moi, vous ne vous prêtez pas un espèce de pugilat. Alors je sais que le temps est au clash d'aéroport, mais en l'occurrence face au président de la République quand on est député, c'est pas ce qu'on donne à voir. Pour le reste, monsieur Mélenchon assume ses positions puisque plus tôt dans la journée lors d'un rendez-vous qui était pour le coup prévu celui-ci, eh bien, il avait expliqué ce qu'il pensait de la politique notamment sur l'immigration, sur l'Aquarius, il avait rencontré le président de la République au Pharos, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. On sait qu'il est profondément républicain, ça c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont pu être déçus, qui ont pu penser qu'il manquait de courage, puisque confronté à sa propre déclaration, il n'a pas assumé. Il s'agit encore une fois de dire... Il y en a qui ont vu dans cette attitude un manque de courage. Mais non, dans la mesure où les choses ont été dites plus tôt dans l'après-midi, Jean-Luc Mélenchon a dit à M. Macron qu'il avait été défaillant sur la question de l'Aquarius. On ne se pose pas la question de savoir si on accueille ou pas ce bateau quand il y a des naufragés, puisqu'il y a des droits à des naufragés, y compris en mer. Rencontre étonnamment complaisante. Rencontre étonnamment complaisante, c'est ce que disait Olivier Besancenot chez nos amis de LCI hier matin. Ce qui est absolument incroyable, Madame Martichoux, c'est que si vous voulez, quand Jean-Luc Mélenchon est calme et courtois, ce serait qu'il n'assume pas. Et s'il avait été un peu vif, ça aurait été un affreux populiste énervé. Donc de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, ça ne fonctionnera jamais. En réalité, les choses sont claires. Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin de l'adoubement de M. Macron pour être qualifié de premier opposant. Je pense que les Français ont très bien compris que nous étions les premiers opposants et premiers proposants. Ça ne vous a pas plu que le président ait semblé exonérer le leader de France Insoumise, justement, toujours à Marseille, de toute tentation xénophobe, au contraire de l'extrême droite. Il a dit, Jean-Luc Mélenchon n'est pas mon ennemi. Ça vous a plu, ça ? De ce point de vue, ce qui m'a plu, c'est qu'il a rappelé à l'ordre les Nathalie Loiseau et Benjamin Griveaux qui se laissent aller en ce moment à dire que nous sommes des nationalistes, les Florian Bachelier qui disent qu'ils ont vu à Marseille un hologramme de Jean-Marie Le Pen, ou vos confrères du Point qui font une où ils mettent Jean-Luc Mélenchon avec nationaliste et socialiste à la fois. Il faut choisir la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On met Jean-Luc Mélenchon avec la mèche à moustache, on fait 104 lettres. Voilà, le président a rappelé à l'ordre. Ce que le président de la République a dit par ailleurs, est assez clair, c'est qu'on a le droit d'avoir des confrontations politiques. Et moi, je vous le dis très tranquillement, je peux avoir en face de moi le plus résolu de mes adversaires politiques. C'est pas pour autant que je vais lui jeter la vaisselle à la figure ou lui sauter à la gorge. On a compris. Les positions politiques sont assumées. Jean-Luc Mélenchon a redit, y compris ce qu'il pensait de la politique en matière d'immigration d'Emmanuel Macron lors de leur rencontre l'après-midi. Par contre, oui, excusez du peu, quand le président de la République arrive sur votre circonscription à minuit et demi, quand ce n'était pas prévu, vous êtes attablé avec des amis, vous n'allez pas vous donner un combat de boxe devant les caméras, comme ça, au débotté. Merci pour ces explications. Chacun jugera, mais c'est important ce que vous dites sur le discours migratoire de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que vous êtes empêtré dans des polémiques. On vous accuse d'ambiguïté depuis plusieurs semaines. Hein. Mais nous sommes empêtrés dans rien du Pauline tout, de Saint-Rémy. Martin Chou. Pauline de Saint-Rémy, dans sa chronique tout à l'heure, faisait le portrait de Georgi Kuzmanovic, un nom auquel on va s'habituer. Hein. Il est un des conseillers de Jean-Luc Mélenchon en matière de politique internationale. Et il se dit tout à fait d'accord avec une des représentantes de Die Linke en Allemagne, qui est la gauche de la gauche. Elle est contre l'ouverture incontrôlée des frontières. Et elle dit que plus il y a de migrants économiques, plus il y a de jobs au rabais. On dit que c'est un virage anti-migrant de la gauche allemande. Non. Kuzmanovic je peux me permettre est d'accord. De vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais ça n'est pas un discours anti-migrant, comme on peut l'entendre. C'est un discours qu'a porté la gauche depuis très longtemps. Vous vous souvenez des écrits de Jean Jaurès sur cette question. Quand on parle de, y compris défendre son économie, c'est pas contre les autres pays. Et le problème, ce ne sont pas les migrants, Madame Martichoux. Le problème, ce sont les causes qui provoquent les mouvements de population. Parce que, si vous voulez, le discours qui consiste à dire on recule nos frontières, personne ne rentre et on peut pas parler des causes, est un discours déraisonnable. Mais le discours qui consiste à dire simplement on ne se soucie pas de savoir pourquoi les gens partent, on peut accueillir tout le monde, il est aussi déraisonnable pour la raison qu'il exonère de nos propres responsabilités dans les mouvements de population. Alors moi, je vous dis très clairement les choses ce matin, votre micro. Je vais vous résumer en deux mots la position de la France Insoumise. Elle n'a pas varié. Vous ne découvrez pas ce matin que la France Insoumise n'a jamais été pour la liberté d'installation. Nous, ce que nous disons est clair. Quand les gens, jusqu'au péril de leur vie, traversent des fossés comme la mer Méditerranée, eh bien, les rejeter, c'est les condamner à mort. Donc, on les accueille. Et on les accueille dignement. Est-ce qu'on et je vous les dis une accueille... chose. Écoutez, alors, écoutez-moi. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que c'est important que cette clarification soit faite. On les accueille, et je vais même vous dire, on organise les conditions d'un accueil coordonné au niveau européen. Et pas la manière dont c'est fait aujourd'hui. Je vois mal comment l'Union européenne, qui arrive à imposer à tous les pays sa vision libérale, serait pas capable de coordonner l'arrivée de quoi, Madame Martichoux? D'un ou deux millions de personnes, alors qu'on est plus de 500 millions en Union européenne. Alors, attendez, c'est une goutte d'eau. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il fallait accueillir et organiser les conditions de l'accueil, ça n'est pas suffisant. Parce que nous connaissons aujourd'hui les causes qui font que les gens n'ont pas choisi de partir, mais n'ont pas d'autre choix Est-ce que de le faire. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question ? Les accords commerciaux inégaux et le changement climatique. Accueil des réfugiés. Oui. Accueil des réfugiés qui arrivent à nos frontières, à des bateaux. Il y a des questions vraiment humanitaires évidentes. Quid, si vous me permettez, des réfugiés économique. Le discours, et vous le savez très bien, le discours qu'on entend de la part de Die Linke et de Monsieur Kuzmanovic fait le lien entre immigration et chômage et précarité. Mais Madame Martichoux, mais il ne responsabilise pas. Ça veut dire, que l'immigration pèse sur les travailleurs. Pas du tout. Écoutez-moi, ce que nous disons est clair. Les responsables, ce ne sont pas les migrants, ça sont y compris les patrons, les capitalistes qui les exploitent. Vous ne découvrez pas que, par exemple, les principaux mouvements de population sont intra-européens. Vous ne découvrez pas, c'est une analyse marxiste, on disait que le capitalisme se crée son armée de réserve, qu'il y a des gens qui emploient des travailleurs sans papier. Moi, je vais vous dire une chose, vous voulez une solution? Est-ce que la réduction de criminaliser, des flux migratoires améliorerait le sort des travailleurs? Vous voulez savoir ce qui améliorerait le sort des travailleurs? Par exemple, aujourd'hui, si vous régularisez les gens qui travaillent sans papier, alors vous obligez les gens qui les exploitent ici en Europe à les payer décemment. Le discours que nous avons sur l'immigration, entendez-nous, c'est un discours raisonné. J'en vois pas d'autre, si vous voulez, de plus raisonnable, qui consiste à dire, d'une part, créons les conditions d'un accueil digne, et d'autre part, s'il vous plaît, entendez cela, parce que c'est important. Traitons les causes. Je termine juste, regardez. Le changement climatique. Je réponds à vos questions. Le changement climatique, d'ici 2050, ce sera des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à la sortie. Il faut créer les conditions d'éviter que les gens quittent leur pays. Vous l'avez dit déjà, c'est la troisième fois. Pour Clémentine Autain, et ma question, c'est ce qu'il y a quand même des dissensions internes. Ce discours, dit-elle, donne des gages sur le fond discours d'extrême droite. Ça revient à perdre son... Elle a tort. Mais vous manipulez des extraits d'interviews. Moi, vous parlez de deux interviews dans l'Obs, facile. Alors que les gens aillent les voir. Voyez, Madame Martichoux, là, elle on consacre du temps. Vous voulez essayer de faire en sorte qu'on distingue une potentielle... Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Eh bien, vous savez, c'est très clair. Sur la loi asile-immigration, nous avons fait tout un livret sur nos positions, projets, propositions détaillées sur l'immigration, allez les voir. Et plutôt que d'essayer de montrer de potentiels dissensus qui n'existent pas, voyez plutôt que le sujet est grave. Il n'y a pas de débat chez vous. Okay. Si, il y a du débat chez nous. Mais non, vous faites les questions et les réponses, en fait. Vous venez de dire qu'il n'y a pas une feuille de cigarette entre ce que dit M. Kuzmanovic et vous. Ben vous trouvez, vous, qu'il y a un monde entre ce que disent les deux? Enfin, attendez, il y a du débat entre nous, justement. C'est ça la nature de l'interview. Mais en l'occurrence, notre position, je le redis, sur la question migratoire est claire. Richard Ferrand sera très vraisemblablement, Monsieur Quintenas, élu président de l'Assemblée demain. Il a été désigné hier par le groupe largement majoritaire En Marche, l'élection à l'air demain. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour nous. On verra si on y gagne au change comparativement à Monsieur de Rugy. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le signal envoyé n'est pas très positif. C'est-à-dire que on voit bien que le Nouveau Monde à tous les codes de l'ancien, si vous voulez. Et y compris au-delà de la personne de Richard Ferrand, nous avions dit que nous aurions considéré que c'était une bonne chose si ça avait pu être une candidature féminine qui avait le soutien de La République En Marche. Bon, ce n'est pas le cas, mais il y a notre candidature à nous, celle que nous présentons, celle de ma collègue amie Mathilde Panot. Donc, y compris dans les rangs de La République En Marche, si certains sont soucieux du fait d'avoir une femme au perchoir, ils ont encore l'occasion grâce à nous. Vous savez ce qu'on a envie de vous dire, mais que ne l'avez-vous fait vous-même ? C'est pas une femme qui dirige votre groupe, c'est toujours un peu pareil. On entend dire il faudrait que les autres le fassent, vous ne l'aviez pas. Mais fait. Vous n'aura pas échappé que nous on présente des femmes à chaque fois à tous les postes de responsabilité, qu'il y a de la parité, il y a de la parité au sein de notre mouvement. Et puis par ailleurs, je le dis, c'est quand même le quatrième personnage de l'État, donc ce sera un signal envoyé au-delà d'ailleurs de notre propre pays que ce soit une femme qui occupe ce poste. Et puis par ailleurs, Mathilde Panot a aussi d'autres qualités. Ce n'est pas sa principale qualité que d'être une femme. Je pense que ce serait quelqu'un qui serait la garante de la bonne tenue des débats à l'Assemblée nationale. Eh bien voilà, élection demain avec la candidature de Mme Panot, à la présidence de l'Assemblée nationale. On aura la réponse vers 17h, je crois. Merci à vous. Merci. Bonne à journée. Vous. Charline Vanhoenacker, Alexandre Benalla s'en est pris hier au Sénat, siège de la commission d'enquête. Oh là là, le clash Benalla-Gérard Larcher. Ça va finir au duty free d'Orly, cette histoire. Alors là, au Sénat, je peux vous dire qu'ils sont hyper remontés. Il y a les pacemakers qui s'affolent. Je crois que les sénateurs n'avaient plus été dans cet état depuis le remplacement de Julien Lepers en question pour un champion. Entre les deux, ça a cogné. Ça tient du combat de catch. Alors à ma gauche, il a 27 ans, 1m87 pour 83 kilos, celui qu'on appelle le pitbull des cortèges, sa redoutable spécialité, la balayette de la démocratie. À ma droite, on ne le présente plus, il aura 69 ans demain, mais il a toujours la fraîcheur d'un steak tartare. Surnommé l'ogre de la République, il a survécu à tout, même à la campagne de François Fillon. C'est le spécialiste du sauté de veau de la troisième corde, j'ai nommé Gérard Larcher. Parce que Benalla, il fait le malin quand il a un caisse de CRS et la panoplie du flic, mais même au judo, quand il va se retrouver en peignoir face à Gégé sur un tatami, il va moins rigoler. Ces petits jeunes de 27 ans qui pensent que tout leur est dû. Les sages du Sénat, ils vont lui expliquer qu'une impunité, ça se mérite. La plupart des élus ont dû batailler ferme pendant toute une carrière pour avoir droit à leur immunité. Il ferait bien de faire gaffe, Benalla. S'il pense qu'il peut s'en prendre aux personnes âgées, il devrait se méfier. Est-ce que vous avez vu les photos de Michel Drucker en t-shirt moulant souvent des haltères dans Paris Match? On dirait Jean-Claude Van Damme. Michel, faut pas le chauffer, il aplatit des jeunes manifestants quand il veut. Hier, Benalla l'a dit, la démocratie est fondée sur la séparation des pouvoirs. Mais je crois que pour lui, la séparation des pouvoirs, c'est quand tu frappes un manifestant avec la main gauche et qu'en même temps, avec la main droite, tu téléphones à Benjamin Griveaux pour organiser le prochain déplacement du président. Et puis cette affaire, c'est pas cool pour Nicole Belloubet, qui a déjà assez de boulot comme ça. Après, faut pas s'étonner qu'elle oublie des appartements dans sa déclaration de patrimoine. Et enfin, aujourd'hui, au poste jadis occupé par Benalla, ils ont mis le directeur adjoint de Pôle emploi. Donc le poste qui était occupé par Chuck Norris est désormais occupé par un énarque. Alors je suppose qu'il est ceinture noire de judo, parce que faire l'ENA pour se retrouver garde du corps, il y a de quoi être perdu, parce que la compétence d'un directeur de Pôle emploi, c'est de trouver du boulot aux gens. Alors que le talent de Benalla, c'était plutôt de les envoyer en arrêt de travail. Charline Vanhoenacker. Thank you. qu'on commence par Chavez, parce que c'est un sujet sérieux. Moi, je ne partage pas son évaluation et je pense que je comprends pourquoi il se trompe. Mais il se trompe radicalement. Je pense que Chavez réduit le problème à sa vision géopolitique, qui est l'ennemi, ce sont les États-Unis. Attention, les États-Unis vont intervenir en Libye. Au point de départ, j'étais d'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai fait un communiqué sur le thème, j'étais attristé. Parce que je me dis, mais c'est pas possible quand même qu'ils ne comprennent pas à ce point ce qui est en train de se passer. C'est pas la première fois que je vois des dirigeants latino-américains réduire toute leur vision du monde à leur rapport de force avec les États-Unis d'Amérique. Ils ne voient les choses qu'à travers ce prisme, pour la raison que les États-Unis d'Amérique sont extrêmement agressifs et on manipule, crée des complots, vous le savez. Ils ont fait un putsch au Honduras, ils en ont payé un autre en Équateur. Tout ça s'est passé l'année dernière. Mais je pense qu'ils se trompent lourdement, lourdement. La révolution dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient favorise le processus général d'émancipation des peuples. Cependant, là, alors attention à ce que vous faites. Pour ma part, que les choses soient bien claires. Je soutiens la révolution au Venezuela, je soutiens la révolution au Moyen-Orient et au Maghreb. Je ne suis donc pas d'accord avec l'évaluation d'Hugo Chavez. Pour autant, okay. Ça ne me fait pas me méprendre sur qui il est. Le même Chavez considérait qu'il pouvait accueillir Ahmadinejad, qui lui avait décidé qu'on pouvait rayer d'un trait de plume l'État d'Israël. Ce qu'a dit M. Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant « j'ai l'intention de détruire mon voisin ». Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire « si on a une bombe, on ira taper sur Israël ». Ça, personne ne peut accepter une chose pareille, que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire, et à coup de bombe atomique, son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. La défense de Castro, dont il nous dit que finalement, ça n'est pas un régime dictatorial. Cuba, que l'on doit mettre dans son contexte des Caraïbes, je vous signale que dans les Caraïbes, il n'y a qu'une chose qui marche bien, c'est les départements français d'outre-mer. Tout le reste est dans la pauvreté la plus abjecte. À Cuba, ils ont une des voies choisies de développement. Je vous signale que Cuba a été réintégré... C'est une démocratie. Attendez, c'est certainement pas une démocratie au sens où... Mais c'est pas une dictature. Tout à fait évident. Non, c'est pas une dictature, ça, pour moi, clairement, non. Mais si je me suis retiré, on a le droit d'avoir un avis qui n'est pas le vôtre. Non, j'essaie de le préciser. Donc, c'est je tout. Ne suis pas partisan d'établir en France le régime cubain, je vous rassure tout de suite, si c'est ça votre interrogation. Mais dans le contexte de l'Amérique du Sud, je ne suis pas d'accord pour qualifier Cuba de dictature. Et je salue la contribution de Cuba socialiste à la lutte des peuples de l'Amérique du Sud pour leur liberté. Dans tous les pays d'Amérique du Sud, et d'ailleurs, Cuba est membre de toutes les organisations internationales d'Amérique du Sud. L'idée que le Tibet. Il est préférable qu'il soit sous domination chinoise que tibétain autonome et indépendant. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord avec le projet politique du Dalai Lama, qui est un curé tibétain d'une des quatre sectes. Faisons court. Vous êtes d'accord avec la répression chinoise ? Non, mais non, bien sûr que non. Comment pourrais-je être d'accord avec une chose pareille ? On peut passer au troisième point. Non, non, non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Il faut regarder votre irresponsabilité politique totale. Ouais. Car la revendication du Dalai Lama, c'est l'indépendance du Tibet historique. Vous ne savez même pas où c'est. Ça représente le quart du territoire de la République populaire de Chine. Ça représente, et il veut en expulser ce qu'il appelle les colons, 100 millions de personnes. Pour régler le problème de 300 000 réfugiés à Jérusalem, on y est depuis 40 ans. Alors, supposez qu'un homme responsable dise, si la France a reconnu la Chine dans ses frontières en 1964, et ce n'était pas Georges Marchais qui a reconnu la République populaire de Chine, c'est le général de Gaulle. Alors on respecte ses frontières et on ne peut pas être d'accord avec un curé qui prétend faire une sécession du quart du territoire de ce grand pays pour y installer un régime clérical, vous n'avez qu'à lire la constitution que propose le Dalai Lama, et en expulser 100 millions de personnes. Bon, d'abord on va mettre de côté quelque chose que vous ne voulez pas dire, mais j'en suis certain. Je n'ai aucune tendresse pour le régime russe ni pour le régime chinois. Et c'est bien en le disant. Voilà. Oui, mais je pourrais faire la liste. Je n'ai aucune tendresse pour le régime de la Corée du Nord, je n'ai aucune tendresse pour le régime de la Birmanie, je n'ai aucune... On fait le tour du monde. Non. D'accord ? Oui, mais il y a quelque chose qui souvent est un peu On parle de grande puissance, Jean-Luc oui, Mélenchon, oui. Vous avez compris. Il y a, peut-être, mais il n'y a pas de petit peuple. Donc, souvent, j'ai été interpellé assez grossièrement sur la Chine. Hein. Vous êtes un ami de la Chine. Bon, j'ai entendu toutes sortes de choses. Et justement, c'est pas ce que j'ai choisi. C'est... J'ai bien compris. Mais pardon, comme on nous écoute, j'en profite pour régler des comptes avec d'autres. Ben oui, mais je veux dire que quand on a choisi... Quand Mélenchon nous dit « Mes héros dans la Révolution française sont Saint-Just et Robespierre », on ne parle pas par hasard. Mon goût après est devenu, c'est affiné. C'est évidemment la figure de Maximilien Robespierre qui a été en quelque sorte le phare. Mais peut-être plus encore, en raison de son jeune âge et de cette conscience brûlante qu'il avait de lui-même, Saint-Just. Vous le citez d'ailleurs dans un de vos livres, vous terminez même oui. Votre dernier oui. livre, oui. Qu'ils s'en aillent tous, par une citation de Saint-Just, osant. Oui, parce qu'il a eu une espèce de sentiment romanesque et héroïque de l'histoire. On envoie Saint-Just aux armées, sur le front de l'Est, où il a rempli un rôle extraordinaire au moment où la patrie était en danger. Et cet homme si jeune, il doit avoir 22, 23 ans à l'époque, prend des mesures qui montrent en lui une espèce de talent extraordinaire des situations. Et pour ce que je fais, ça a une grande importance. Hein. La politique, c'est un art de réalisation. Il faut bien sûr être armé théoriquement, mais il faut avoir ce sens du moment, le kairos des Grecs en quelque sorte. Mais là, c'est dans l'action. Et Saint-Just arrive, et c'est extraordinaire. Les troupes sont dans des campements sordides, il y manque des chaussures. Il fait aussitôt un arrêté qui oblige les bourgeois de Strasbourg à fournir 20 000 paires de chaussures en sous 48 heures, ce qu'ils font d'ailleurs promptement, ils y avaient intérêt. Ensuite, il édicte un autre, toutes sortes de décisions de cette nature, et enfin, il se porte sur le front à Landau, et il se met, il a ses trois plumes bleu-blanc-rouge sur la tête. Il faut s'imaginer la cible que ça représente, un type harnaché de cette manière-là, qu'on voit à 200 ou 300 mètres, c'est-à-dire largement à la portée d'un fusil, et il bondit des tranchées pour faire sortir la troupe, sous les cris Landau ou la mort, il invente les slogans politiques, bref. Ce personnage, vous voyez, j'en vibre encore, je m'y... On aurait pu dire, ce sont les Girondins. On aurait pu dire, c'est Condorcet. Je pensais, pour commencer, à cette fulgurance de Condorcet, arrêté, sachant bien qu'elle allait être son destin à partir de là, et qui écrit dans un de ses derniers textes un cri d'espoir dans la capacité de l'humanité universelle, et il dit... Que rien n'est hors de portée de l'intelligence humaine, et il conclut en disant « Nous vaincrons la mort ». Vous avez vu ce peuple applaudir le féminisme, c'est-à-dire la frontière la plus avancée de la liberté que l'on puisse concevoir dans son esprit que de dire « Ou bien tous les êtres humains ont les mêmes droits, ou bien aucun n'en a », comme l'a dit Condorcet. L'idée qu'on puisse considérer que finalement la terreur, finalement, c'est tout à fait défendable. Je trouve que Mélenchon est beaucoup plus l'héritier d'une forme de terreur que l'héritier des plus belles valeurs de la Révolution. Et quand il ajoute François Mitterrand aussi, ça fait sens également. Je le dis parce que le goût des caricatures et de la pensée simple, en quelques mots qui tiennent dans des phrases courtes, c'est-à-dire le format médiatique, nous condamne à être soit des ennemis aveuglés de François Mitterrand, soit des Mitterrandolâtres. Entre les deux, il n'y a de place pour rien. En tout cas, il semblerait qu'entre les deux, il n'y a pas de place pour l'intelligence. Je pense que précisément, c'est l'effet qui est recherché. On ne pourrait pas adhérer rationnellement à ce qu'a été le combat de l'union de la gauche. Et précisément, c'est cela que nous avons non seulement à sauver, mais à reprendre à notre époque. Trop s'en souvenir, hein. Ça pourrait donner des idées. Partage des richesses. Retraite à 60 ans. Cinquième semaine de congés payés. Semaine de 39 heures payées 40. Hausse du SMIC de 10%. Du minimum vieillesse de 20%, des allocations familiales de 55%, création de l'impôt sur la fortune, créé en 1982, abrogé par la droite en 1986, rétabli par la gauche en 1988, relèvement de 60 à 65% du taux supérieur de l'impôt sur le revenu, application d'un prélèvement additionnel exceptionnel de 25% sur les revenus supérieurs à 100 000 francs. Pas beaucoup, hein ? Nationalisation des 36 principales banques de dépôt, et des grandes industries, Alcatel-Alstom, Saint-Gobain, Pechiney, Thomson, Rhône-Poulenc et Tutti Quanti. Le 14 juillet 1986, je veux rappeler à tout le monde, quand on vous dit « oui, mais les privatisations », laissant entendre que Mitterrand, après avoir nationalisé, privatisé une fois le masque tombé. Tout le monde semble avoir oublié que, justement, le 14 juillet 1986, et vous savez que François Mitterrand aimait les symboles, refuse de signer les ordonnances de privatisation, celle qui concernait notamment Havas, Matra, TF1, Saint-Gobain, la Société Générale et Paribas. partage des richesses encore, loi Auroux sur les droits des travailleurs, droit d'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail, obligation de financement des comités d'entreprise, droit de retrait pour les salariés en cas de danger, émancipation et liberté, doublement du nombre de bacheliers sous les deux septennats de François Mitterrand, création du bac pro en 1985, abolition de la peine de mort, légalisation des radios libres, suppression de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires, abrogation des lois anti-casseurs, égalité homme-femme, loi Roudy interdit les discriminations de genre qui jusque-là étaient légales, car autrefois on pouvait dire qu'une annonce d'emploi était réservée à un homme ou réservée à une femme. Remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale, abolition du délit d'homosexualité, doublement du budget de la culture, passage à 1% du budget, création de la fête de la musique, vous en souvenez, création des zéniths et des musées dans les villes, protection des espaces naturels du pays, loi Littoral. Je m'arrête là parce que sinon, on y passe la soirée. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront demain, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi tous les drapeaux de nos voisins vikings avaient la même tête ? Quel drapeau avait inspiré les autres ? Si Ikea avait vraiment créé le drapeau suédois ? Alors bienvenue dans ce premier épisode de l'histoire des drapeaux. Aujourd'hui, nous allons parler des drapeaux nordiques. Et pour commencer, abordons le cas du Danbrog, ou drapeau du Danemark dans la langue de Molière. En effet, il est maintenant avéré que tous les drapeaux scandinaves proviennent de celui-ci. En plus de ça, le Danbrog est considéré comme l'un des plus anciens d'Europe, et son apparition a une origine légendaire. Nous sommes le 15 juin 1219 pendant la bataille de Lindanis, qui oppose le roi Valdemar II du Danemark, dit le Victorieux, aux Estoniens païens pour le contrôle de la région de Reval, à côté de la future Tallinn. Les Estoniens attaquent par surprise les Danois, prennent rapidement l'avantage et réussissent même à s'emparer de la bannière du roi. Alors que la défaite semble inévitable, un événement inattendu renverse le cours de la bataille. Un tissu rouge orné d'une croix argentée se détache dans le ciel et tombe sur le champ de bataille. Valdemar II ramasse l'étendard et le brandit, redonnant courage à ses hommes et jetant l'effroi dans le cœur de ses adversaires. Grâce à ce signe divin, les Danois remportent la victoire. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal, cette bataille est très proche symboliquement de la victoire du pont Milvius en 312 où l'empereur romain Constantin fut témoin de l'apparition de la croix dans le ciel, présageant sa victoire contre son opposant. Les rois danois se sont d'ailleurs appuyés sur cette ressemblance. Par exemple, la phrase que Constantin aurait entendue en rêve avant cette bataille, « Hoc signo vinces », excusez mon latin, qui signifie « par ce signe tu vaincras », a été reprise sur les pièces de monnaie danoises en 1603. En dehors de cette apparition mythique, le plus ancien manuscrit qui montre le drapeau danois est l'Armorial de Gelre, un recueil qui compile les blasons et les étendards de cette époque et qui date de la fin du XIVe siècle. On peut par exemple y voir le blason de Valdemar IV, roi du Danemark entre 1340 et 1375, ainsi que son étendard, une croix blanche sur fond rouge. Ce drapeau a été officiellement adopté par la famille royale en 1397 sous le règne de Éric de Poméranie. Le drapeau est donc utilisé depuis plus de 600 ans. En 1748, on décale la croix vers la hampe afin de donner la version définitive que l'on connaît aujourd'hui. La principale raison serait qu'en mer, la croix apparaît déformée à cause du vent. En la décalant, elle semble donc plus centrée, ce qui donne ce qu'on appellera d'ailleurs la croix scandinave. Cette modification permet aussi d'éviter des confusions avec les drapeaux suisses et savoyards assez similaires. Et vous allez voir que la plupart des autres drapeaux scandinaves s'inspirent justement du drapeau danois. Mais avant de passer aux autres pays, j'aimerais aborder les drapeaux des deux territoires autonomes du Danemark, les îles Féroé et le Groenland. Le Mercure pour commencer, le drapeau féringien. Oui, parce que on ne dit pas féroïen, mais féringien, et allez savoir pourquoi les féringiens parlent le féroïen. Et ne me demandez pas pourquoi. Donc je disais, le drapeau féringien est un des seuls drapeaux européens pour lequel on est encore l'original. En fait, le Mercure a moins de 100 ans, puisqu'il a été créé en 1919 par 3 étudiants. Il a commencé à être utilisé officiellement en 1940, en fait principalement pour différencier les navires danois, qui étaient sous domination allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, et les navires des îles Féroé, qui étaient sous contrôle britannique. Et en 1948, au moment de l'autonomie des îles, le Mercure est devenu tout simplement le drapeau officiel. Quant au drapeau du Groenland, il est lui encore plus récent. Il a été adopté en 1985, il y a à peine 30 ans. Quand le Danemark a fait du Groenland un territoire autonome, le nouveau gouvernement a organisé un concours pour choisir son drapeau. Et c'est celui que nous connaissons aujourd'hui qui a été choisi parmi 555 propositions. Sur ses principaux concurrents, on retrouve à chaque fois la croix scandinave, comme sur le drapeau danois, et le vert qui rappelle le nom du pays, Groenland signifiant terre verte en vieux norrois, la langue des Vikings qui ont découvert le pays. Je trouve qu'ils en sont quand même pas trop mal tirés. Vous allez voir d'ailleurs que c'est le seul état nordique qui n'a pas la croix scandinave dans son drapeau. Et pour une fois, le créateur, un certain Christiansen, a pu expliquer lui-même la signification du drapeau. Le rouge représenterait la mer qui entoure le pays, et le blanc, les glaciers qui recouvrent l'île. Le cercle, quant à lui, évoque un soleil couchant qui se reflète sur la mer. L'artiste a d'ailleurs gardé les couleurs rouges et blanches en rappel de la longue histoire du Groenland avec le Danemark. Bon, cette fois, on peut vraiment passer aux autres pays. Et commençons par l'Islande qui a été pendant très longtemps une colonie danoise, comme d'ailleurs presque tous les pays scandinaves, ce qui explique peut-être pourquoi ils sont tous si liés. La création du drapeau islandais, le Ríkisfáni, est assez récent lui aussi et date de 1913. Mais il ne deviendra officiel qu'en 1918, lors de la création du royaume d'Islande, indépendant mais toujours uni au Danemark. Le drapeau est évidemment pour base de Danbrog, mais est aussi très inspiré du drapeau de la Norvège, avec qui l'Islande a une longue histoire commune. Les couleurs des deux drapeaux sont d'ailleurs inversées. Chaque couleur est censée évoquer une caractéristique du pays. Le rouge, par exemple, symbolise la lave des volcans qui sont encore très actifs sur le sol islandais. Le blanc évoque les glaciers et la neige qui recouvre le pays. Et le bleu représente la mer qui entoure cette île. Et c'est tout. Bon, c'était rapide, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez ? Leur drapeau est logique et récent, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Bon, passons maintenant au royaume de Norvège qui a longtemps lui aussi été uni au royaume du Danemark en formant le même pays pendant près de 4 siècles. À ce moment-là, c'était donc le Danbrog qui était utilisé. En 1814, le Danemark, qui s'était allié à Napoléon Ier, doit céder le territoire norvégien aux Suédois, qui sont eux alliés au Royaume-Uni, qui viennent de gagner les campagnes napoléoniennes. Pour marquer sa désapprobation avec son entrée dans le royaume de Suède, la Norvège adopte pour drapeau le Danbrog, juste agrémenté du lion norvégien dans le coin supérieur gauche, histoire de montrer qu'ils sont encore très attachés au royaume du Danemark. Finalement, en 1821, le drapeau actuel est créé par un membre du Parlement norvégien. La base étant encore une fois la même que le drapeau danois, mais avec un rouge un peu plus clair, histoire quand même de se différencier, et une seconde croix, bleue celle-ci, qui vient se superposer à la première. Le créateur expliquera que les trois couleurs sont inspirées des pays qui représentent le plus la liberté à cette époque. Donc le bleu, blanc, rouge de la France, bien sûr, mais aussi des Pays-Bas et des États-Unis d'Amérique. Mais ce drapeau norvégien n'était pas le drapeau officiel, et seuls certains navires dans certaines régions pouvaient l'utiliser. Bah oui, la Norvège faisait quand même partie du royaume de Suède, c'était leur drapeau qui était en vigueur à cette période. On y retrouve le drapeau suédois, dont je reparlerai juste après, et une croix blanche sur fond rouge, en haut à gauche, qui représente justement la Norvège. En 1844, suite à des vagues de mécontentement, les dirigeants suédois décident de créer un drapeau qui montre une vraie égalité entre les deux pays dans l'Union. Ils créent donc une marque d'union. Je sais, c'est pas top comme nom, mais même en norvégien, Unionsmärket, ça rend pas beaucoup mieux. Cette marque est apposée en haut à gauche des drapeaux suédois et norvégiens. Les deux pays, bien qu'unis, avaient donc chacun leur propre drapeau. En passant, on voit quand même qu'ils se sont pas foulés pour faire ce symbole. C'est juste deux drapeaux qui ont été mixés. Le but étant justement de montrer l'égalité entre les deux royaumes, vous avez compris. Mais ça ne suffira pas vraiment, et l'union devint vraiment impopulaire pour les Norvégiens dans les années 1880. Ils finiront par se débarrasser de ce symbole en 1898, sans demander l'avis des Suédois d'ailleurs, et c'est lors de l'indépendance du pays, quelques années plus tard, en 1905, que leur drapeau sera adopté officiellement par le gouvernement. Petite anecdote sympa, lors des JO d'hiver de 1992, qui se déroulaient justement en Norvège, la scène d'ouverture montrait un drapeau norvégien qui tombait lentement du ciel, ce qui rappelait énormément l'apparition mythique du Dannebrog, dont est inspiré justement le drapeau norvégien. Logique, et passons maintenant au drapeau suédois. Celui-ci, comme d'habitude, part du drapeau danois, mais dans des proportions un peu plus petites et avec une croix plus grosse. La première mention du drapeau suédois date d'un mandat royal de 1562. On y retrouve donc la croix scandinave, bien sûr, et le jaune et le bleu, qui sont associés à la Suède depuis le roi Magnus IV, qui avait adopté comme blason trois couronnes d'or sur fond bleu, qui représentaient la souveraineté du roi sur les trois régions du royaume à cette époque, la Suède, la Norvège et la Scanie. Et leur drapeau ne changea pas pendant près de 400 ans, en fait jusqu'à l'union avec la Norvège dont on a parlé juste avant. De là, le drapeau suédois a subi les mêmes changements que le drapeau norvégien, en adoptant tout d'abord la croix blanche sur fond rouge dans le coin, puis en 1844 la marque d'union, et enfin en l'abandonnant en 1905 lors de l'indépendance de la Norvège. Un an plus tard, le bleu foncé du drapeau devint bleu ciel, devenant celui que l'on connaît aujourd'hui. Dernière petite précision, c'est IKEA qui s'est inspiré du drapeau pour son logo. Et pas l'inverse. IKEA. Terminons par un pays nordique, mais pas considéré comme scandinave. Je veux bien sûr parler de la Finlande. Elle fait partie du royaume de Suède jusqu'en 1808, et avait donc comme drapeau officiel le drapeau suédois. En 1808, suite à la guerre de Finlande, qui opposait l'Empire russe au royaume de Suède, ce dernier doit céder la Finlande à son ennemi, qui crée le Grand-Duché de Finlande. Territoire autonome, mais quand même sous contrôle russe, faut pas déconner. Et c'est sous la domination russe que les Finlandais ont commencé à revendiquer leur identité culturelle. Et donc, comme partout dans le monde, on crée un drapeau pour la revendiquer. Le Siniri Stilipu, bon, que j'appellerais drapeau finlandais, je pense que vous comprenez pourquoi, reprend une croix scandinave, mais plus large, assez similaire d'ailleurs à celle du drapeau suédois. Il est créé entre 1850 et 1860, après un long débat pour en définir les couleurs. En effet, certains soutiennent l'option d'un drapeau rouge et jaune, reprenant les couleurs des armes de Finlande. D'autres, avec pour chef de file le poète Zacharias Topelius, soutiennent un drapeau blanc et bleu. Le blanc représentant la neige qui recouvre le pays, et le bleu la couleur des innombrables lacs de Finlande, que l'on surnomme d'ailleurs le pays aux mille lacs. Finalement, c'est cette dernière option qui est adoptée. Mais les Russes refusent que le drapeau soit utilisé lors d'événements officiels. C'est d'ailleurs un yacht club qui est le premier à arborer le nouveau drapeau en 1863. En 1917, par contre, tout change. Suite à la révolution russe et à l'effondrement de l'empire de toutes les Russies, la Finlande acquiert son indépendance, et un nouveau débat renaît pour choisir un drapeau officiel. Un premier drapeau représentant les armes finlandaises est adopté temporairement pendant quelques mois, et le drapeau finlandais actuel est critiqué par beaucoup qui le jugent trop proche de l'ancien pavillon de la marine impériale russe. Finalement, il est tout de même choisi, son principal opposant étant un drapeau qui lui était jugé trop proche du Dannebrog. Petit détail amusant, un autre concurrent du drapeau actuel utilisait les mêmes couleurs bleues et blanches et des lignes diagonales, mais il n'a pas été retenu car il faisait beaucoup trop penser à une enseigne de coiffeur. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi. Wow. de notre humanité. Je comprends qu'on l'amour de défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir, où ton nom est à moi, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. L'Union européenne, 4 500 000 km² sur lesquels vivent plus de 500 millions d'habitants issus des 28 États membres. Le tout dirigé politiquement depuis Bruxelles par 44 000 fonctionnaires. Sauf que, faute d'effectifs, ces fonctionnaires doivent déléguer une bonne partie de l'expertise dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Et parmi ceux qui les conseillent, il y a les industriels. Ceux-là même que les décisions politiques finales concernent directement. Rien de nouveau là-dedans. À l'origine, il ne s'agit que d'un dialogue entre décideurs politiques et industrie. D'ailleurs, c'est Étienne d'Avignon, vice-président de la Commission européenne de 81 à 85, qui suggéra au patron de Volvo l'idée de créer un consortium de grands dirigeants au début des années 80. Résultat, dès 1983, 17 dirigeants de multinationales créent l'ERT, la table ronde des industriels européens. Sauf que le rapport de force pose vite problème. En 1985, ces fiers chevaliers représentent déjà 60% de la production industrielle en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, l'ERT compte 53 membres et forcément, quand ils parlent, on les écoute. En 30 ans, Bruxelles est devenue la seconde capitale du lobbying au monde, juste après Washington, une véritable industrie de l'influence qui représente plus d'un milliard d'euros. En tout, 10, 20, 30 000 lobbyistes se bousculent sur les 4 km² du quartier européen. Impossible d'avoir un chiffre précis tellement les frontières sont floues, entre les anciens parlementaires embauchés par les lobbies et les industriels qui colonisent les groupes d'experts consultés par l'administration européenne, la transparence n'est pas franchement la règle. Bruxelles devient une autorité légitimée, de plus en plus, et de surcroît avec une politique libérale depuis ses fondements. Je crois que j'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus ce soir. Donc l'idée, c'est nous arrivons au pouvoir, nos ministres vont siéger à la table du Conseil avec les partenaires européens. Quelle marge de manœuvre ils ont pour négocier face à la Commission européenne et pour trouver des méthodes de coopération avec les partenaires européens. On a donc établi un scénario en deux étapes, un plan A et un plan B. Le plan A, c'était par exemple de dire « Nous, on veut que la BCE puisse prêter directement aux États européens. On veut abolir le two-pack, le six-pack, le traité de Lisbonne. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non, non. Alors plan B. Et le plan B, c'était tout simplement qu'on sort de l'Union européenne. Pourquoi ? Pour faire notre programme progressiste au niveau national. En pratique, ça donne par exemple le protectionnisme solidaire, le protectionnisme environnemental et social qu'on veut pour des frontières européennes, pour éviter le dumping, on le ferait dans ce cadre-là au niveau national. Aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation sociale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation fiscale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'indépendance à l'égard de l'OTAN, vous ne laissez qu'une perspective aux peuples qui, eux, veulent la paix, le progrès social et l'indépendance. Vous ne leur laissez qu'une seule perspective, qu'ils viennent à se dire, cette Europe-là, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Ce qui est commencé, ce n'est pas le changement positif attendu, c'est que les gens commencent à la quitter. Dès que la BCE prend quelques libertés, et notamment pour aider les pays d'Europe du Sud, les Allemands se braquent, et ça peut aller assez loin, ça peut aller jusqu'à des recours en justice. Parce que voilà, on en est arrivé à des intérêts divergents entre un certain nombre de pays du Nord et les pays d'Europe du Sud, avec une monnaie unique pour tout ça. Mes chers amis, je vois avec beaucoup d'émotion ce troisième sommet se tenir. Je me souviens des conditions dans lesquelles nous en avons lancé l'idée avec mon ami Fassina, qui se trouve ici, Zoé Constantinopoulou, qui est ici. De même, dans cette salle, il y a 10 gouvernements à venir pour l'Europe. C'est cette année que nous allons devoir décider. Et nous allons d'abord devoir décider si nous décidons, ou bien si c'est eux qui décident à notre place. Les puissants, les importants, le chef des voyous, Juncker, qui a organisé pendant des années le pillage fiscal de tous les pays autour. Je voudrais le redire avec force. En 2017, les 5 présidents européens, car il y en a 5, ont décidé qu'un nouveau traité sera mis en discussion. J'espère que tout le monde le sait. Je sens la responsabilité qui pèse sur nous. Mais je voudrais vous dire que cette responsabilité, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre tous. Car si demain je suis élu, vous viendrez tous à la rescousse et je vous y appellerai. Les Trashers, je suis sûr que beaucoup d'entre vous adorent les restos japonais. Les sushis, les makis, les raviolis. Oh tiens, les raviolis. Est-ce que vous connaissez les appartements raviolis ? Ce sont des tout petits apparts, souvent à Paris, où des immigrés asiatiques clandestins produisent raviolis, rouleaux de printemps, etc. dans des conditions d'hygiène absolument déplorables. C'est la nourriture que vous allez retrouver dans un bon nombre de restos asiatiques, car elle ne leur coûte presque rien. Vous avez à la fois la viande qui décongèle dans un sac plastique avec les crevettes. Ah putain. Dégueu d'imaginer manger ça, mais maintenant imaginez vivre dans un tel appartement, être à des milliers de kilomètres de chez vous, payer une misère pour un travail inhumain. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va aller à la découverte de l'esclavage moderne et des formes qu'il peut revêtir. Ce sera une vidéo plutôt longue, donc posez-vous bien, je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Europe, le cas Amazon. Amazon, a priori, vous connaissez tous, la plus grosse boutique en ligne du monde, de très loin, sur laquelle se font des dizaines de milliers de commandes par jour. Ça atteint des chiffres encore plus démentiels durant les fêtes de fin d'année, avec des pics à plus de 500 commandes par seconde, rien qu'aux USA. Le site est extrêmement profitable et son patron, Jeff Bezos, se met bien. Il est l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 130 milliards de dollars, ce qui équivaut à 3 fois le PIB de la Croatie, pour vous faire une idée. Que se passe-t-il quand vous passez une commande ? Eh ben, c'est assez simple, dans un entrepôt d'Amazon, un employé va la chercher et la pose dans un chariot. Une fois le chariot rempli de produits divers, il est amené à un autre employé qui s'occupe d'emballer tout ça, et ça part en livraison sans perte de temps, un livreur vous l'amène et tout le monde est content. Mais tout n'est pas rose. Depuis quelques années apparaissent des témoignages d'employés qui se plaignent de conditions de travail inhumaines. Et tout ça en Europe, juste sous notre nez. La devise d'Amazon, c'est la rapidité avant tout. Le rêve de Jeff Bezos, c'est que à terme, où que vous soyez dans le monde, vous receviez n'importe quelle commande en un jour. Et comme dirait l'autre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La grosse victime de cette volonté de rapidité à tout prix, c'est les pickers. Ceux qui vont chercher les articles dans les rayons des entrepôts. Ils possèdent en tout temps un pad qui capture leur position dans l'entrepôt et leur performance. Un objectif de X articles à aller chercher par heure vous êtes donné. Si vous commencez à traîner ou n'accomplissez pas cet objectif, vous recevez des avertissements, voire des strikes en cas de récidive. Après 3 strikes, vous êtes viré, sans autre forme de procès. De l'autre côté, si vous remplissez vos objectifs, bah ils vont augmenter. Les jours suivants, vous devrez aller chercher plus d'articles dans les rayons, jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus et soyez striké. Ajoutez à ça entre 60 et 80 heures de boulot par semaine suivant les endroits, et des entrepôts qui font bien souvent la taille de plusieurs terrains de football, et vous obtenez des journées de travail longues et éreintantes. On parle d'environ 20 km de marche par jour pour les pickers. C'est ça la stratégie d'Amazon. Pousser à fond ses employés quelques mois et les virer quand ils n'en peuvent plus pour apporter du sang neuf. Exactement comme on presserait une orange de tout son jus, sauf qu'on parle ici d'être humain. Dans tous les pays où la société est implémentée, c'est une même chose qui motive les employés d'Amazon à aller travailler. La promesse d'un contrat à durée indéterminée une fois le contrat de base très instable terminé. Le CDI est un véritable saint graal offert à quelques rares élus. Pour espérer le décrocher, il faut être irréprochable, rapide et productif. Dans cette optique-là, des sacrifices doivent être faits au mépris de sa propre dignité. Un gros souci, par exemple, c'est les toilettes. Il est extrêmement mal vu et parfois pénalisé d'aller aux toilettes. C'est considéré comme une perte de temps. Du coup, certaines personnes préfèrent pisser dans des bouteilles plutôt que s'y déplacer. Ou alors, ne boivent pas de la journée pour ne pas avoir envie. Pire encore, on a à Dunfermline, en Écosse, des employés qui dormaient dans des tentes à côté de l'entrepôt pour ne pas avoir à faire les déplacements jusqu'à chez eux. Le bus navette de la société leur coûtant trop cher. En plus de ça, la direction d'Amazon ne fait rien pour arranger les conditions de vie des travailleurs. La pause de midi est l'exemple type. Vous avez entre 30 et 40 minutes de pause pour manger, seulement si vous avez la malchance de vous trouver à l'autre bout de l'entrepôt quand sonne la pause, enjoy les 10 minutes de marche à l'aller et les 10 minutes de marche au retour, qui sont bien entendu comptées dans le temps de pause, hein, sinon c'est pas drôle. Sans parler des contrôles de sécurité à l'entrée de la cafette pour vérifier que vous n'avez rien volé et qui vous font encore perdre de précieuses minutes. Cependant, malgré les clauses de confidentialité que signent les employés, les langues commencent à se délier et de nouveaux scandales éclate tout le temps. On a l'entrepôt de Montélimar en France où en hiver 2011 les employés mouraient de froid et étaient obligés de travailler avec des parkas, des gants et des bonnets. 12 hommes ont dû faire grève pour que la direction allume enfin le chauffage. Vous vous rendez compte? Devoir faire grève pour obtenir le chauffage. À l'autre bout du monde, au Japon, en 2013, Amazon achète des chèvres pour qu'elles broutent aux abords d'un entrepôt. L'entreprise leur met autour du cou le même badge qu'ont les employés du dépôt. Exactement le même, avec un nom, une photo, un code barre. Le symbole est fort, humain et animaux logés à la même enseigne. Mais le pire s'est passé à Allentown, aux USA, en 2011, où par plus de 43 degrés, les employés devaient toujours travailler. Ceux qui refusaient étaient virés, ceux qui tombaient d'épuisement étaient transportés aux ambulances qui attendaient devant le bâtiment en file indienne. Hyper glauque. Et on n'a même pas parlé des livreurs à l'autre bout de la chaîne qui sont tenus par des impératifs de temps similaires. Là aussi, parfois obligés de pisser dans des bouteilles pour ne pas avoir à s'arrêter en route, voire même aller jusqu'à déféquer dans leur propre van pour ne pas devoir faire de pause toilette. Alors on aime bien se moquer des chronopostes et autres services de livraison pour la façon dont ils traitent nos colis. Mais faut bien comprendre que ces livreurs sont sous stress constant. C'est pas par plaisir ou pour vous faire chier qu'ils laissent des colis dans les halls d'immeubles ou ne sonnent pas chez vous. C'est juste pour respecter leur planning. Beaucoup des informations sur le fonctionnement d'Amazon sont publiques grâce au travail de Jean-Baptiste Mallet, qui s'est fait passer pour un employé dans un entrepôt d'Amazon français. Fort de son expérience, il a écrit un livre sur les conditions de travail dans la société. Livre que l'on peut trouver sur Amazon. La boucle est bouclée.